Activité 47. 1. Ils sortent à quelle heure, les élèves? À 4h30. Regarde, les voilà. 2. Tu viens comment au collège? En bus. Et toi? En voiture, avec mon père. 3. C'est à quelle heure le cours de dessin? À 2h30. Mais il est 2h30. Vite! 4. Super! Il y a du poulet aujourd'hui à la cantine. Et il y a des frites aussi. J'adore le poulet avec des frites. 5. Papa, est-ce que tu peux m'aider à faire mes devoirs? Maintenant? Mais c'est le petit déjeuner. C'est pour quand tes devoirs? Pour le cours d'histoire de tout à l'heure. Quoi? Mais il est trop tard!